Donc, inna alhamda lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue le dars d'hier. En fait, on l'avait commencé depuis longtemps, mais cette section, c'est celle qui parle de la définition ou de la réalité du kufr et du shirk dans le Coran, le Karim. Et donc, on complète ce qu'on avait commencé hier, et on est arrivé à l'endroit où le shirk commence à expliquer وجوب الخوف والتحرز من الشرك وبيان عظيم خطره في الدنيا والآخرة. Donc, le shirk, il dit l'explication du danger du shirk, ou l'obligation d'avoir peur et de se protéger du shirk, et la clarification ou l'explication du grand danger que le shirk peut représenter dans cette dunya et dans l'akhirah. Donc le shirk, il explique et il dit kullama khafa al-insan min ash-shirk ishtadda taharruzuhu minhu wa kullama amina al-insan min ash-shirk waqa fihi. فعلى الإنسان أن لا يزكي نفسه ويقول أنا ما عندي شرك أكبر نعم لكن الشرك الأصغر محبط للعمل الذي يخالطه إذ قد تعمل الأعمال ولا أجر لك فيها. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que plus une personne a peur du shirk, et plus il s'en protège, et plus il cherche à s'en protéger. Et plus une personne se sent en sécurité de tomber dans le shirk, alors plus elle a de chances de tomber dedans. Alors l'être humain ne doit pas se purifier elle-même, on ne doit pas se purifier nous-mêmes, et dire par exemple, non moi j'ai pas de shirk akbar, donc je crains pas yani pour moi-même. Parce que, comme le shirk explique, le shirk mineur, le shirk al-asghar, il annule également les actions qu'on fait si on mélange notre action avec un shirk mineur quelconque, comme par exemple ar-riya, le fait de faire une action d'adoration dans le but de se faire voir. Donc ça annule la valeur de ton action, et donc le shirk, il dit, tu peux faire plein d'œuvres et plein d'actions et il n'y a aucune récompense dans ces œuvres-là parce que tu ne les fais pas sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il dit فَمَنْ صَلَّ يُرَائِي فَلَا أَجْرَ لَهُ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَلَا أَجْرَ لَهُ وَمَنْ جَاهَدَ يُرَائِي فَلَا أَجْرَ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ يُرَائِي فَلَا أَجْرَ لَهُ بَلْ يَكُونَ آثِمًا فَالْإِنسَانُ يَجِبُ أَنْ يَخَافُ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَمِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ. Donc le cheikh, il dit, celui qui prie et qui veut se faire voir, alors il n'a pas de récompense. Et celui qui donne une sadaqa et dans le but de se faire voir, il n'a pas de récompense. De même que la personne qui fait le jihad dans le but de se faire voir, pour que les gens disent, ah lui il est fort, il est courageux, eh bien celui-là non plus, il n'a pas de récompense. Et celui qui étudie l'ilm de l'islam dans le but de se faire voir, également il n'a pas de il n'a pas de récompense, et en plus, en fait, il est pécheur, il fait un péché par le fait qu'il n'est pas sincère dans son intention de le faire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il dit par la suite, ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين الذي كسر الأصنام بيده وامتحن بسبب ذلك حتى ألقي في النار يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. Donc le cheikh il explique et il dit, et c'est pour cette raison là que Ibrahim عليه الصلاة والسلام, et c'était l'imam des muwahhidin, c'est-à-dire c'était l'imam des monothéistes, le chef, disons, le plus haut parmi les monothéistes, qui a cassé les idoles avec sa propre main. Il a été testé à cause de, justement, du fait qu'il les ait cassées. Il a été testé à cause de ça, et il a même été jeté dans le feu par son peuple pour avoir cassé les idoles. Mais dans son doua, Ibrahim, l'imam des muwahhidin, qu'est-ce qu'il demandait à Allah? Il demandait à Allah de l'écarter, lui ainsi que ses fils, de l'adoration des idoles. Donc il craignait pour lui-même et pour ses descendants, pour sa descendance, l'adoration des idoles. Et il disait, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Seigneur, elles ont certes égaré plusieurs parmi les hommes. Donc ça veut dire, comme le cheikh dit, فَلَا يَأْمَنْ إِبْرَاهِيمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَأَنْ يَقَعَ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ فَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh dit, Ibrahim, il a eu peur pour lui-même de la fitna. Il ne s'est pas senti en sécurité lui-même de tomber dans une forme de shirk majeur, comme par exemple l'adoration des idoles. Donc celui qui après Ibrahim peut se sentir en sécurité d'une épreuve pareille, si lui-même Ibrahim en avait peur. Donc il faut savoir que c'est un danger. Et dernièrement, ici à Montréal, j'ai reçu un email, quelqu'un m'a envoyé un email avec un texte qui critiquait certains aspects de shirk qui se retrouvent dans les croyances de certains musulmans, et un commentaire d'un converti qui essayait de critiquer justement le fait que on avait dénoncé cette forme de shirk. Alors subhanallah, la personne qui critiquait l'article ou la chose qui avait, le texte qui avait été écrit contre le shirk, elle disait, c'est pas bon d'écrire des choses comme ça, vous faites peur aux gens au sujet du shirk, et donc subhanallah, c'était vraiment choquant de lire ça, parce que c'est comme si la personne qui avait répondu essayait de dire que il faut pas faire peur aux gens en leur parlant du shirk, parce que c'est mauvais et c'est dangereux. Donc c'est un exemple de la part d'un converti musulman qui pense que c'est pas bon de faire peur aux gens ou de leur faire croire que le shirk est dangereux ou des choses comme ça. Donc on voit que cette personne-là, par exemple, n'était pas au courant que même Ibrahim lui-même ne se sentait pas en sécurité de tomber dans le shirk. Mais comme on va voir plus tard, la raison pourquoi cette personne-là avait dit ça, c'était justement parce qu'il a été influencé par certaines des idées des Asha'ira. Et parmi les croyances des Asha'ira, pour eux, on sait que le tawhid, il n'y a pas de tawhid al-ibada dans leur division du tawhid. Donc pour eux, quelqu'un, une fois qu'il a cru que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul créateur, et qu'il a tout créé et qu'il contrôle tout dans l'univers, eh bien pour eux, après, par la suite, il n'y a plus de danger de tomber dans le shirk si tu as cru en ça. Donc tu peux adorer tu peux invoquer des êtres en dehors d'Allah, invoquer des saints ou invoquer des personnes qui sont dans leur tombe, etc. Et pour eux, c'est pas considéré shirk tant que tu crois pas que cette chose-là ou cette personne-là a un contrôle de l'univers en dehors d'Allah. Donc étant donné qu'ils n'ont pas cette notion-là du shirk, et qu'ils n'ont pas compris la réalité du tawhid, pour eux, le shirk, c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah, ça rentre pas dans cette catégorie, ça rentre pas dans le shirk. Et donc, pour lui, c'était pas une raison de, on devait pas avoir peur de ces formes de shirk là, ou des choses de croire, par exemple, en un porte-bonheur, ou des choses de ce genre. Et ça, c'est des exemples de ces conceptions qui amènent beaucoup de musulmans à négliger ou à donner peu d'importance au danger du shirk et à se sentir en sécurité. Donc le cheikh, il mentionne par la suite les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Il dit: يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. Donc le cheikh, il cite cette parole de l'imam Ibn Qayyim dans An-Nuniyah. Et An-Nuniyah, c'est un poème que l'imam Ibn Qayyim a écrit qui s'appelle Al-Kafiyatu Shafiyah fi l'intisari lil firqati najiyah. Et dans ce poème est composé d'environ 6000 vers. Et dans ce poème, il défend et il amène les preuves de yani aqida, de la aqida des salafs, et il réfute les gens de bid'a. Et c'est un poème vraiment puissant, masha'Allah. Donc le cheikh, dans ce poème là, dans les trois vers que cheikh Al-Fawzan a mentionné de ce livre, il dit que le shirk, il faut prendre nos gardes vis-à-vis du shirk. Et le cheikh, il dit qu'il y a un shirk qui est zahir, c'est-à-dire qui est apparent, et c'est une des catégories du shirk qui ne peut pas être pardonnée. Et il dit, c'est le fait de prendre des égaux avec Ar-Rahman, c'est-à-dire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et peu importe quelle forme peut avoir cette chose qu'on met comme un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une pierre ou un être humain. Et le fait qu'on l'invoque, yad'uhu, ou yarjuhu, ou thumma yakhafuhu, wa yuhibbuhu, kamahabbati d'ayyani. C'est-à-dire, il l'invoque et il met son espoir en cette chose, ou il la craint, et ou bien il l'aime comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dayyan. Donc, ça c'est, qu'est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim explique maintenant, c'est le danger du shirk yani akbar. Et après le cheikh dit, amma shirk al-khafi, kama bayyanahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bi qawlihi akhwafu ma akhafu alaykum al-shirk al-asghar, fasu'ila anhu faqal, Ar-Riya, nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh, il dit, en ce qui concerne al-shirk al-khafi, alors il dit que c'est le shirk qui est dans l'intention, et c'est Ar-Riya. Et il dit, وَقَدْ بَيَّنَ الْعَلَّامَ ابْنُ رَجَبٍ رَحِيمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ أَنَّ الرِّيَا إِذَا صَاحَبَ الْعَمَلْ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلْ أما إذا كان العمل أصله خالصا لله ثم طرأ عليه الرياء في أثناء العمل فإن دفعه الإنسان ورجع إلى الإخلاص لم يضره وإن استمر معه ففيه خلاف هل يثاب على أصل العمل أو يبطل عمله كله فقولان عند أهل العلم وهذا يدل على خطورة الرياء وقد قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc le cheikh, il dit que الرياء, le fait de faire des œuvres dans le but de se faire voir, il dit que c'est très dangereux. Il a dit que le shirk qui est caché, c'est le shirk qui est dans le cœur, c'est Ar-Riya. Et il a mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk. Et on lui a demandé, qu'est-ce que c'est le petit shirk? Il a dit, c'est Ar-Riya. C'est Ar-Riya. C'est rapporté par Ibn Majah selon Abi Sa'id al-Khudri, dans sa signification. Et il a déjà été On a déjà mentionné son origine, c'est-à-dire la source de ce hadith ou la référence. Après, le cheikh, il dit, donc, il est très dangereux ce shirk, c'est-à-dire ce ria, cette forme de shirk mineur. Et puis, il explique les paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans l'explication qu'il a faite de l'Arba'in al-Nawawiyya. Il dit que al-ria, lorsque la personne a fait ar-riya ou a eu ar-riya au départ de son action, hein, à la base de son action, son intention c'était dans le but de se faire remarquer ou de se faire voir ou de se faire glorifier pour une adoration qu'il faisait. S'il avait cette riya à la base, en partant, alors son action, elle n'est pas acceptée du tout. D'accord? Ça c'est clair. Par contre, si la personne, elle a commencé à faire une action et à la base, au début, son intention était purement et sincèrement pour Allah seul. Puis par la suite, pendant qu'il était en train de le faire, il y a quelque chose qui est rentré dans son intention et comme c'est une forme de riya qui est entrée dans son intention alors qu'il était en train de commettre ou de pratiquer ou de faire l'acte. Alors dans ce cas-là, il y a deux cas. Soit qu'il se force pour essayer de rejeter cette riya, hein, il fait un effort pour essayer de purifier son intention alors que cette riya essaie de s'introduire dans son cœur. Alors s'il a fait un effort pour le repousser et qu'il revient à la pureté et à la sincérité dans son intention, alors dans ce cas-là, ça ne lui nuit pas, ça ne va pas nuire à la valeur de son action parce qu'il a fait un effort pour le repousser. Tandis que s'il continue et il se laisse aller dans al-riya par la suite, alors le cheikh il dit que il y a une différence d'opinion au sujet de ce cas-là. Est-ce que son action est acceptée? Est-ce qu'il a une récompense pour cette action-là? Ou bien est-ce que son action est annulée en entier à cause de cette riya qui est venue par la suite? Donc le cheikh dit qu'il y a deux positions. Il y en a parmi les ulama qui disent oui, elle est complètement rejetée. Et il y en a d'autres qui disent non, il est récompensé pour son intention d'origine ou son action à la base, parce qu'à la base il avait une bonne intention sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais peu importe laquelle des deux positions est la bonne, le cheikh il dit que ça montre quand même le danger du riya, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, peu importe la position qu'on pourrait adopter parmi ces deux-là dans cette question-là. Et il mentionne le verset qui dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans son adoration avec son Seigneur, qu'il n'associe personne dans son adoration pour son Seigneur. Le cheikh il dit ثم لنعلم أن الشرك اليوم قد خفي أمره على كثير من الناس وسمي بغير اسمه فهؤلاء الذين يعبدون الأموات والأضرحة ويطوفون بها ويستغيثون بها ويدعونها من دون الله إذا قيل لهم هذا هو الشرك الأكبر قالوا لا هذا محبة للصالحين هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يشفعوا لنا عنده لأنهم أصحاب منزلة ومكانة عند الله ونحن أناس مذنبون فهم يتوسطون لنا عند الله جل وعلا ونحن نعتقد أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون مع الله ولكننا اتخذناهم وسائط بيننا وبين الله فيسمون هذا الشرك الأكبر بغير اسمه. Donc le cheikh il dit, il faut qu'on sache que, parce que là on a parlé du shirk qui est khafi, hein, le shirk qui est caché, hein. Et bien le cheikh il dit que il faut qu'on sache qu'aujourd'hui parfois même le shirk akbar est devenu caché, c'est-à-dire beaucoup de gens commettent des actes qui entrent dans le shirk akbar et ils ignorent que c'est une forme de shirk akbar qui les fait quitter l'islam. Comme il explique maintenant, il dit que le shirk aujourd'hui est devenu une chose, yani, qui est cachée pour la plupart des gens. Il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les détails de qu'est-ce que peut signifier un shirk. Alors, ils l'appellent par d'autres que son nom réel. Hein? Ils commettent un acte de shirk, et puis ils n'osent pas l'appeler shirk, ou ils refusent de l'appeler shirk. Comme par exemple, le shirk, il dit, donc, ces gens-là, ils adorent les morts, ils vont à leur tombe, ils font le tawaf autour, hein, ils tournent autour, comme on circule autour de la Kaaba à la Mecque, eh bien, eux, ils font ça, mais pour la tombe. Ils tournent autour de, ils circulent autour de la tombe cette fois, et ils cherchent le secours en ces tombes-là. Ils demandent le secours à ces tombes et ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on leur demande ou lorsqu'on dit à ces gens-là, ça c'est une forme de shirk majeur, ils disent non, non, non, ça c'est pas du shirk. Ça c'est juste un amour qu'on a pour les salihin, un amour qu'on a pour les gens vertueux, les gens pieux, et on les prend comme un moyen pour aller vers Allah parce que ce sont dans le but qu'ils intercèdent en notre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce sont des gens qui ont un statut et un degré très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes des pécheurs. Et donc, on les utilise comme des intermédiaires entre nous et entre nous et Allah, yani pour se rapprocher d'Allah. Et on ne croit pas que ce sont eux qui créent ou qui donnent la subsistance ou qui contrôlent avec Allah. Mais on les prend uniquement comme des intermédiaires et des intercesseurs entre nous et Allah. Donc, cette forme de shirk akbar qu'ils sont en train de commettre, ils l'appellent par un autre nom. Hein? Et ça, c'est la ruse de la plupart des mushrikines. À travers les époques, ils vont pas admettre ouvertement pour dire oui, nous sommes des mushrikines et nous sommes en train de faire des actes de shirk, parce que bien entendu c'est quelque chose qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est quelque chose de rejeté, quelque chose de mauvais. Mais bien entendu, ils utilisent des ruses et des, comme on appelle, talbis, hein. Ils essaient de transformer le mensonge en vérité et la vérité en mensonge pour justifier et essayer de rendre légitimes yani les actes contradictoires à l'islam qu'ils sont en train de commettre. Et le cheikh il dit وَهَذَا هُوَ فِعْلُ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ. C'est ça que les premiers mushrikines faisaient eux aussi. كَمَا بَيَّنَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَلَا جِدَالَ فِيهِ. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur nuit, ce qui ne peut ni les nuire ni leur amener un bien quelconque. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. D'accord. Le cheikh dit ma qalu yakhluqun wa yarzuqun wa yuhyun wa yumitun wa yudabbiruna bal qalu haula shufa'ana 'inda Allah. Donc le cheikh il dit, ces gens-là, yani ces mushrikin, lorsqu'ils ont yani adoré ces êtres en dehors d'Allah, ils n'ont pas dit que ils créent ou qu'ils donnent la subsistance ou qu'ils font vivre ou qu'ils font mourir, ou qu'ils donnent le risque, ou qu'ils contrôlent quoi que ce soit dans l'univers. Ils n'ont pas dit que ce sont des créateurs et les maîtres de toutes choses, non. Ils ont seulement dit, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Hein? Donc, ça réfute l'idée de ceux qui prétendent que, yani, les mushrikines, Allah les a déclarés mushrikines parce qu'ils ont cru qu'il y a un autre Dieu avec Allah. Non. On voit que clairement dans cet exemple, que dans cette ayah, les mushrikins n'ont pas prétendu qu'il y avait un autre Dieu avec Allah, mais ils ont uniquement dit on prend des intercesseurs entre eux et nous dans le but de se rapprocher à Allah. Et ça, c'était leur shirk. Et le shirk il dit wa fi ayatin ukhra yaqulu jalla wa ala fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ça c'est dans sourate Az-Zumar, versets 2 et 3. Le cheikh il mentionne ce verset qui dit, alors adorez Allah en lui vouant un culte pur et exclusif. Et après Allah dit, n'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure et sincère, et ceux qui prennent des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc ils les adorent, ces awliya, ces créatures en dehors d'Allah, dans le but de se rapprocher, ou dans le but qu'ils les rapprochent eux plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, ما عبدوهم لأنهم يخلقونهم ويرزقونهم أو يحيون أمواتهم أو أنهم يشفعون مرضاهم لأنهم يعتقدون أن هذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا ولكنهم اتخذوهم أولياء ليقربوهم إلى الله زلفى. Donc encore une fois le cheikh explique, il dit il ne les adore pas parce qu'il croit que ils sont leurs créateurs, que ces idoles-là sont leurs créateurs, ou bien qu'ils leur donnent un risque, ou bien qu'ils les font, qu'ils font vivre leurs morts, ou qu'ils font guérir leurs malades, hein? Car ils croient que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ces choses-là. Toutefois, ils les prennent comme des alliés pour que ces alliés-là, ou pour qu'ils les rapprochent plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit فالأمر خطير جدا لأن الشرك الآن سمي بغير اسمه تلبيسا على الناس. Donc il dit le cheikh que ça c'est très dangereux aujourd'hui parce que le shirk aujourd'hui il a été appelé par autre que son nom dans le but de tromper les gens et de leur faire comprendre le contraire de la vérité. وأكثر الناس لا يرجعون إلى القرآن مع أن القرآن وضحه وبينه ولكنهم يرجعون إلى أقوال علمائهم المضلين وأئمتهم الضالين ويتخذون أقوالهم نصوصا يستدلون بها ولا يستدلون بكلام الله عز وجل وهو واضح في الأمر لا خفاء فيه ونسأل الله العافية والسلامة هذا هو الشرك بعينه. Donc le cheikh il dit la plupart des gens ils ne retournent pas au Coran alors que le Coran l'a clarifié et l'a expliqué clairement, mais eux ils préfèrent retourner aux paroles de leurs ulama égarés et de leurs imams qui sont déviés, hein, qui sont détournés du droit chemin, et ils prennent leurs paroles comme si c'était des textes révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils les utilisent comme des preuves, hein, pour essayer de prouver ou de justifier les actes de shirk qu'ils commettent, et ils se basent pas sur les preuves qui viennent de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ces paroles sont très claires et qu'il n'y a rien de caché dans ces paroles là au sujet du shirk et des choses de ce genre. Et donc le cheikh il dit, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous épargne, qu'il nous protège et qu'il nous pardonne et qu'il nous sauve de toutes ces formes d'égarements là. Et le cheikh il dit ça c'est le shirk lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que ces gens-là font, voilà le shirk. Et après le shirk il dit والله جل وعلا في القرآن العظيم حذر من الكفر وحذر من الشرك وبين عاقبة أهلهما في الدنيا والآخرة. نعم. فتوعد الكافرين وأعد لهم سعيرا كما قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا هذا وعيد الكافرين وهذا عاقبتهم والعياذ بالله في الدار الآخرة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué dans le Coran, il a averti contre le kufr et contre le shirk et contre les conséquences de ou contre la destination ou la conclusion qui va arriver à ceux qui pratiquent ces choses-là dans la dunya et dans l'akhirah, et il a promis aux kafirines, c'est-à-dire aux kuffars, qu'il leur a préparé l'enfer. Hein. Et il mentionne un verset qui est dans Sourate Al-Ahzab, le verset 63 à 67. Hein. Et ça dit, les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dit, sa connaissance est uniquement à Allah. Et qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Allah a maudit les kuffars. Il a préparé pour eux une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils disent, yani, Rabbana, ils disent, Seigneur, notre Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, hein, des gens haut placés, et c'est eux qui nous ont égarés du droit chemin. Hein. Alors, après, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ils disent, ô notre Seigneur, Ya Rabbana, ils disent, Rabbana atihim dhafain, c'est-à-dire, donne-leur le double du châtiment. Et maudit-les d'une grande malédiction. Ça, c'est la situation des gens dans l'enfer. Ils vont demander, ils vont se demander les uns contre les autres des châtiments, yani, pour se venger de s'être fait égarer par les autres dans cette dunya. Et on retrouve souvent des exemples comme ça dans le Coran. Et ça, c'est un rappel en même temps pour les gens de prendre des amis uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adoun illa al-muttaqin. Les bons amis, ce jour-là, c'est-à-dire au jugement dernier, ils vont être ennemis les uns des autres. Excepté al-muttaqin, excepté ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc le cheikh il dit que voici la menace pour les kafirines et voici leur conclusion, que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège dans cette dunya et dans l'akhirah. Après il dit amma uqubatahum fid dunya fa inna Allah abaha lil muslimina dima'ahum wa amwalahum hatta yadkhulu fil islam qala sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila an-nas حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. Donc le cheikh il rapporte ce hadith qui est muttafaq alayhi, rapporté par al-Bukhari et Muslim selon Omar ibn al-Khattab, ou bien Ibn Omar radiyallahu anhu, non c'est Omar ibn al-Khattab, qui dit: en ce qui concerne leur châtiment, le cheikh dit, en ce qui concerne leur châtiment dans la dunya, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu permis ou licite pour les musulmans leur sang et leur bien jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et lorsqu'ils l'ont dit, ils sont protégés contre moi dans leur sang et dans leur bien, excepté pour un de ses droits. Excepté pour son droit. Et leur jugement sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le hadith. Et le cheikh il dit fal kafiru muhdaru ad-dam halalu al-mal hatta yadkhula fi l'islam alladhi shara'ahu Allah li'ibadihi wa khalaqa al-khalqa min ajlihi wa huwa khalidun mukhalladun fi an-nar idha mata 'ala al-kufri wal-'iyadu billah. Donc le cheikh il explique ici, il dit que le kafir, son sang, hein, et ses biens sont halal pour les musulmans jusqu'à ce qu'il entre dans l'islam, jusqu'à ce qu'il entre dans l'islam, c'est-à-dire l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et commandé pour ses serviteurs. Et c'est le but pour lequel il a créé la création. Et celui qui meurt dans le kufr, il reste dans l'enfer pour l'éternité, que Allah nous en protège. Et en passant, il y a une note que je dois faire à ce sujet-là, c'est que bien entendu, le kafir dont on parle ici, c'est le kafir qui n'a pas d'entente de paix, hein, qui n'a pas d'entente entre les musulmans et eux, hein, et qui, yani, qui donc sont pas dans la situation où on peut, yani, comme actuellement, yani, il n'y a pas de, comme on sait, il n'y a pas de force pour les musulmans, il n'y a pas de capacité, yani, de faire quoi que ce soit dans la question de, yani, de soit de djihad ou des choses de ce genre. Et puis il y a les ententes entre les pays musulmans et les pays non musulmans. Et donc de tuer un non musulman aujourd'hui, c'est un crime, yani, et c'est haram, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui parmi les musulmans qui tue un non musulman qui a une entente avec les musulmans, il ne sentira jamais l'odeur du paradis, hein? Donc ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, comme on l'a expliqué plusieurs fois, parce qu'il y en a parmi des gens parfois qui ont une compréhension un peu limitée, yani, de certaines règles et de certains hadiths, comme ça ils le prennent sans voir les autres textes et sans voir les autres versets qui clarifient ces positions là et ils retournent pas aux ulama pour demander les explications détaillées, et donc ils essaient de légitimiser ou de permettre les attentats et les attentats qui sont faits contre les koufars, et essayer de justifier ou de défendre les actes de terrorisme qui sont pratiqués au nom de l'islam. Et toutes ces choses-là sont rejetées, yani, dans notre religion et dans la charia. Et les ulama, alhamdoulilah, rabbil alamin, hein, les ulama salafiyoun, alhamdoulilah, Cheikh bin Baz, Cheikh al-Albani, Cheikh Mohamed Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Muqbil, hein, et tous les autres, yani Cheikh Rabi', et les autres ulama parmi les ulama des salafiyins, ils ont toujours réfuté ces actions-là et montré l'égarement de ces gens-là, malgré que les médias, ils essaient toujours de lancer salir la da'wa en prétendant que yani ceux qui font ces actes-là, yani c'est les salafis ou des choses comme ça, alors que les salafis sont innocents de toutes ces choses-là. Et même s'il y a des groupes de bid'ah parmi les groupes des khawarij aujourd'hui qui essaient de prétendre qu'ils sont des salafis et qui appellent leur groupe des groupes de salafis, comme tu entends souvent des fois, tu vois même des sites où ils se prétendent salafis et ils disent salafis jihadi, eh bien sachez que ces gens-là, c'est des khawarij et c'est des gens de bid'ah, et que les salafs n'ont rien à voir avec eux, et qu'ils n'ont rien à voir avec les salafs, et avec les salafis, et ni avec les ulamas. Et la preuve qu'ils ne sont pas des salafis, c'est parce qu'ils détestent les ulamas des salafiyoun, et ils détestent justement, ceux qui détestent les ulamas, eh bien ils ne sont pas des salafiyoun. Ça c'est clair. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, la parole des ulamas à ce sujet-là a déjà été exposé et clarifié maintes et maintes et maintes fois. Donc on le répète encore une fois juste pour que les gens qui ont une shubha ou qui ont par exemple des doutes dans leur cœur à ce sujet-là, ou bien des gens qui pourraient s'imaginer que nous on avait ces positions-là, pour clarifier nos positions et pour faire savoir aux gens que nous on dénonce ces choses-là et qu'on est contre ceux qui défendent ces choses-là, que ce soit les attentats suicides en Palestine ou les attentats en Irak, ou bien les autres attentats qui sont faits, soit le 11 septembre, ou bien les attentats de Madrid, ou les attentats qui sont faits dans les pays musulmans, que ce soit à Riyad, que ce soit à Casablanca, ou que ce soit en Algérie ou ailleurs, toutes ces choses-là sont dénoncées et rejetées par le Coran et par la Sunna et par l'explication des ulama parmi les salafs et tous ceux qui les ont suivis jusqu'à nos jours, alhamdoulillah. Donc il faut savoir que ça, c'est des nosos, c'est des textes qui doivent être acceptés, on doit croire en ces textes et on doit les appliquer selon les règles qui ont été clarifiées par le Coran et par la Sunna, et non pas essayer de les appliquer selon les idées que quelques personnes essaient de faire comprendre aux autres sans retourner aux ulama de l'islam. Après, le cheikh dit wa qala jalla wa ala, parce que vous savez qu'il y a deux extrêmes à ce sujet-là, hein. Il y a l'autre extrême qui vont dire non, les koufars, c'est, il faut pas dire qu'ils sont des koufars, il faut dire que c'est des mouminines, et puis l'islam c'est la religion de l'amour et puis la paix, puis il faut accepter tout le monde et les chrétiens sont nos frères et les juifs sont nos frères, hein. Ça c'est un groupe parmi des musulmans qui sont allés dans l'autre extrême complètement, et il y en a comme par exemple les soufis, hein, qui disent que tout le monde sont des croyants, ils veulent faire qu'est-ce qu'on appelle tawhid ou la diane, réunit toutes les religions ensemble comme si c'est une seule religion, et puis on oublie qu'on est des, qu'on a des différences et qu'on a des que ces gens-là ont des notions, des paroles, des croyances qui sont contraires au fondement de l'islam, et on ne les appelle pas à l'islam, on doit les accepter dans leur religion, et puis chacun est dans ce qu'il suit, la kumdinukum waliyadin, hein. Donc une interprétation vraiment vaste et vraiment large et vraiment lousse, yani, de l'islam, qui est très très loin de la réalité des explications du Coran et de la Sunna, et très loin du hadith qu'on vient d'expliquer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et ni ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils diraient devant ces hadiths-là, hein. Tandis qu'il y a l'autre extrême, comme on a expliqué, de ceux qui prennent les hadiths de ce genre et qui essaient de les appliquer n'importe comment. Ils vont partir dans la rue avec un fusil là et commencer à tirer sur les innocents, ou bien mettre des bombes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est les deux extrêmes, et nous, alhamdoulilah rabbil alamin, on est dans le juste milieu, dans le fait du fait que on va pas d'un extrême ni dans l'autre, hein. On suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih. On ne tue pas les innocents, on ne tue pas les civils, on ne tue pas les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. Il y a des choses de ce genre, et ça, c'est des règles bien connues dans l'islam. Et ceux qui respectent pas ces règles-là, et on combat uniquement avec les dirigeants des musulmans, les présidents, les rois, les gens qui sont au pouvoir, c'est eux qu'on écoute, et c'est leurs commandements qu'on respecte. S'ils nous disent on fait pas, alors on fait pas. S'ils nous disent on fait. Hein, et on les obéit uniquement dans le bien, on ne se révolte pas contre eux, on n'appelle pas les gens à la révolte, aux manifestations et à tous ces trucs-là. Donc ça, c'est un rappel rapide, inshallah. Donc on retourne au sujet. Le cheikh dit: wa qala jalla wa ala an an-nar u'iddat lil kafirin. Il dit au sujet du feu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est préparé pour les kafirin, pour les kuffar. وقال عن مصير الكافرين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Donc le cheikh, il mentionne un verset dans sourate Al-A'raf, du verset 40 à 41, qui dit: l'enfer leur servira de pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne s'ouvriront pas pour eux, hein, et ils n'entreront pas au paradis jusqu'à ce que le chameau pénètre par le chat d'une aiguille. Ainsi, nous rétribuons les criminels, al-mujrimin. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit: l'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi, nous rétribuons les injustes. Donc, le cheikh, il dit: هؤلاء هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها وبقوا على كفرهم وعنادهم ومعاداتهم للرسل. هذه عاقبتهم عند الله سبحانه وتعالى. Le cheikh dit: ceux-là, c'est les kuffars qui ont nié les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et les versets d'Allah, et qui se sont remplis d'orgueil vis-à-vis de ces versets-là, et qui sont restés sur leur mécréance et sur leur opposition et leur animosité contre les messagers, et leur punition, yani, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset-là. Ensuite, le cheikh dit: amma ash-shirk fa inna Allah subhanahu wa ta'ala hadhara minhu ghayat at-tahzir. Donc le cheikh, il dit que en ce qui concerne le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala a averti à son sujet de la plus grande forme d'avertissement. Et il a dit: فقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui commet le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors on lui interdit, Allah lui interdit le paradis, haram Allahu alayhi al-jannah, et sa destination sera l'enfer, wa ma'wahun nar, et pour les injustes, il n'y aura aucun secoureur. Et ça, c'est dans Surat al-Ma'idah, verset 72. Après, il dit, wa qala ta'ala, laqad uhiya ilayka, wa laqad uhiya ilayka, wa ila alladhina min qablika, la in ashrakta la yahbatanna amaluka, wa la takunanna min al-khasirin. Le Cheikh dit, فالله جل وعلا يقول لرسوله ولمن قبله من الرسل لئن أشركت وهذا من باب الفرض وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين عصمهم الله من الشرك ولكن هذا من باب التحذير من باب تحذير الناس وأن الرسول لو وقع منه ذلك لحبط عمله فكيف بغيره لا شك أن حبوط عمل غيرهم من باب أولى ولذا قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Donc le Cheikh il mentionne ce verset qui dit et il t'a été révélé au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de même qu'à ceux qui sont venus avant toi parmi les messagers que si tu commets le shirk tes œuvres seront vaines, elles seront nulles. Hein, et tu serais certes parmi les perdants. Donc, le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse ici à son messager, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de même qu'à ceux qui ont été avant lui, parmi les autres messagers, que si vous commettez le shirk, hein, et le Cheikh il dit que ça c'est juste une supposition, yani, c'est pas une chose réelle, parce qu'on sait très bien que les messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses frères, parmi les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés de commettre le shirk. Mais c'est uniquement dans le but, yani, d'avertir les gens, de leur faire comprendre le danger. Hein, il dit que si le shirk pourrait arriver de la part du messager, eh ben, ses œuvres seraient annulées. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un d'autre que le messager, yani? Hein, si quelqu'un d'autre que le messager commet le shirk, alors, yani, il n'y a pas de doute que ses actions peuvent être également encore plus vaine et plus nulle que les actions du messager. Donc c'est juste pour nous faire voir le rapport, yani, entre les deux, que c'est un avertissement, yani. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit et que si vous commettiez le shirk, vos œuvres auraient certes été annulées. Walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Donc ça c'est dans Sourate Al-An'am, le verset 88, et le verset précédent c'était dans Sourate Az-Zumar à la fin. Et on l'a déjà expliqué plusieurs fois dans les cours précédents. Le Cheikh il dit فَإِذَا كَانَ أَيُّ نَوْعٍ مِنَ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ يُحْبِطُ الْأَعْمَالِ كُلَّهَا وَإِذَا كَانَ الشِّرْكِ أَيْضًا يُحَرِّمُ الْجَنَّةَ عَلَى الْمُشْرِكِ وَيَكُونُ مَأْوَاهُ النَّارِ ومقره ومسكنه أبد الآباد والعياذ بالله وإذا كان لا يغفره الله لمن مات عليه فهذا يدل على خطورة الشرك وأن الإنسان يخاف منه غاية الخوف ويحذر منه غاية الحذر. Donc le Cheikh il dit, donc si n'importe quelle parmi les catégories de shirk majeur peuvent annuler tes actions tout en entier et que le shirk t'interdit l'entrée au paradis et que le mushrik, sa destination c'est le feu de l'enfer et que c'est sa destination et c'est là qu'il va rester pour l'éternité, que Allah nous en protège. Alors si c'est ça le cas, que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas celui qui meurt sur le shirk, donc ça nous montre le danger, le grand danger du shirk, et que l'être humain il doit le craindre de la plus grande crainte et en être averti de la plus grande, du plus grand avertissement pour ne pas qu'il tombe justement dans quoi que ce soit qui a rapport avec shirk billah. Après le shirk il dit al-farq bayna ash-shirk wal-kufr. C'est quoi la différence entre le shirk et le kufr? Il dit maintenant baynahuma 'umumun wa khususun mutlaq. Fa kullu mushrikin kafir wa laysa kullu kafirin mushrikan. لأن الكفر قد يكون بالجحود والتكذيب والتعطيل فهذا يسمى صاحبه كافرا فقط ولا يسمى مشركا لأنه لا يؤمن بالرب سبحانه وتعالى. أما المشرك فإنه يؤمن بالرب لكنه يعبد معه غيره. وهذا هو الفرق بين المشرك والكافر. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne le mushrik et la différence entre le kufr et le shirk, il dit que il y a une différence, c'est que tout mushrik est un kafir, mais pas tout kafir est un mushrik. Parce que le kufr, il peut être avec la négation ou le fait de démentir ou de renier Allah subhanahu wa ta'ala et sa révélation et les articles de la foi. Et on appelle la personne qui renie ou qui rejette ou qui démentit la vérité qui vient d'Allah, on l'appelle kafir uniquement. Et on ne l'appelle pas nécessairement, on ne l'appelle pas mushrik. Tandis que, yani pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru du tout en Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le mushrik, alors il est possible qu'il croit en Allah, tu vois, le mushrik. فإنه يؤمن بالرب لكنه يعبد معه غيره. Hein? Ça, il y a beaucoup de musulmans qui ne comprennent pas ça. Et ça, c'est grave. Ça amène beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup de gens. Parce qu'ils se disent, ah, mais les gens du livre, ce sont des gens du livre. Ce sont des gens qui croient en Allah. Donc, ils s'imaginent que, à cause de ça, ils sont des croyants, ils ne sont pas des kuffars. Hein? Ahlul Kitab. Ils disent, non, Ahlul Kitab, ce sont des mu'minis, ce ne sont pas des kuffars. Pourtant, ils disent qu'ils croient en Allah, sauf qu'ils associent avec Allah d'autres que lui dans l'adoration. Et ça, c'est shirk. Et le shirk également amène quelqu'un à l'enfer. Et donc, le mushrik, comme le cheikh a dit, il est kafir, mais ce n'est pas tout kafir qui est mushrik. Quelqu'un peut être un kafir sans commettre d'acte de shirk. Mais par contre, tout mushrik, toute personne qui fait un acte de shirk est un kafir. Ok, donc le cheikh il dit que c'est ça la différence, c'est que le mushrik il dit je crois en Allah mais il adore avec lui d'autres que lui. Après le cheikh il dit nawaqidu l'islam, les choses qui annulent l'islam d'une personne. Le cheikh il dit, attendez, laisse-moi juste vérifier quelque chose. Ok, le cheikh il dit nawaqidu l'islam. Ok, al-insan qad يسلم وقد يؤمن ويترك الشرك والكفر ولكن طرأ عليه الردة بأن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام ومعرفة هذه النواقض مهمة جدا فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يوصف بالمرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه وينكس على عقبيه ويرتد عن دينه. Donc le cheikh il dit que l'être humain qui s'est converti ou qui est rentré dans l'islam, il a cru en Allah, en l'islam, et il a abandonné le kufr et le shirk. Donc ça veut dire qu'il est devenu musulman. Toutefois, il se peut que quelque chose arrive et qu'il le fasse tomber dans l'apostasie du fait qu'il commette un acte parmi les actes qui annulent son islam. Et de connaître ces choses qui annulent l'islam, c'est très important, parce que la personne qui commet qui fait partie des choses qui annulent l'islam, on l'appelle un murtad, c'est-à-dire celui qui a cru après avoir été musulman et qui retourne sur ses pas. Il revient en arrière à sa mécréance et il quitte sa religion. Donc le cheikh il dit wallahu jalla wa ala hadhara min ar-ridda ba'da al-iman qala ta'ala wa man yakfur bil-iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a averti contre le fait de faire l'apostasie ou bien ar-ridda, ou de quitter la foi après avoir cru, de quitter la foi après avoir été croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui mécroit en la foi, alors ses actions sont annulées, sont vaines, et il est parmi les perdants dans l'au-delà. C'est dans Sourate Al-Ma'ida, le verset 5. Le cheikh il mentionne un autre verset, il dit wa qala subhanahu سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صار مثل الكفار الأصليين. Donc le cheikh il dit que yani il mentionne un verset dans sourate al-Baqara, le verset 217, qui dit et ils vont toujours continuer à vous combattre, c'est-à-dire les gens du livre, hein, les kuffars, ils vont toujours continuer à vous combattre jusqu'à ce qu'ils, yani, les gens du livre ou les kuffars et les mushrikines en général, ils vont continuer à vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent revenir de votre religion, c'est-à-dire vous faire, jusqu'à ce qu'ils vous fassent quitter votre religion s'ils en sont capables. Et celui d'entre vous qui quitte sa religion ou qui revient sur sa religion, c'est-à-dire il quitte l'islam et qui meurt kafir, alors ceux-là, toutes leurs œuvres qu'ils ont faites dans la dunya seront annulées ainsi que dans l'akhira, ainsi que dans l'au-delà, et ceux-là seront les gens de l'enfer et ils y demeureront éternellement. Donc il devient comme les kuffars à la base, c'est-à-dire il revient comme s'il n'avait jamais été musulman. Après le cheikh il dit وقوله أصحاب النار أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والعياذ بالله فهم فيها خالدون مع أنهم كانوا مسلمين ولكن لما ارتدوا صاروا مع الكفار الأصليين. Donc le cheikh il dit et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ et ceux-là sont les compagnons de l'enfer ou les gens de l'enfer, c'est-à-dire ils vont demeurer dans l'enfer, ils sont comme des compagnons de l'enfer. Allah les appelle أَصْحَاب, c'est comme s'ils sont des compagnons de l'enfer parce qu'ils restent toujours dans l'enfer. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ils y demeureront éternellement malgré qu'ils ont été musulmans, mais étant donné qu'ils ont quitté l'islam, ils sont devenus des kuffars, et bien c'est ça, ils vont entrer dans l'enfer pour l'éternité. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. C'est le verset 137 dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont cru puis qui ont mécru puis qui ont recru encore puis qui ont mécru encore et qui ont augmenté en mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les pardonner et il ne va pas les guider au droit chemin. Ça explique clairement que l'attitude de ces gens-là, c'est à la mécréance à la fin, et puis qu'ils tombent et qu'ils ne seront pas pardonnés par Allah et qu'ils ne seront pas bien guidés. Après, il mentionne un autre verset dans surat Ali Imran, le verset 90, qui dit إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Ceux qui ont cru après avoir eu la foi puis qui ont augmenté en mécréance, ceux-là, leur repentance ne sera pas acceptée et ceux-là sont les égarés. قال سبحانه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الآية في سورة البقرة الآية 161-162 ceux qui ont mécru et qui sont morts mécréants, ceux-là, ils ont la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle des anges et celle de tous les hommes. Ils seront éternellement dans l'enfer, khalidina fiha, ou bien ils demeureront éternellement dans cette malédiction-là, et on ne leur diminuera pas leur châtiment, et yani, donc c'est ça. Et, donc ils n'auront pas de répit, yani. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة الآية 54 أو vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie ou qui quitte de sa religion, Alors, Allah, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un peuple qui aime Allah et que Allah aime, qui sont humbles avec les croyants et fiers et puissants contre les kafirines, contre les mécréants, et qui combattent et qui luttent dans le chemin d'Allah et qui ne craignent le blâme de personne dans la religion d'Allah. Après, il mentionne un verset du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. وقوله التارك لدينه المفارق للجماعه المراد به المرتد. وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est muttafaqun alayhi selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que le sang d'une personne musulmane qui témoigne en la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, son sang n'est pas halal, son sang est haram, personne n'a le droit d'atteindre à sa vie ou à son honneur ou à ses biens, excepté pour trois choses. Il dit al-thayyibuz-zani, la personne qui commet l'adultère alors qu'elle est mariée, puis elle a un rapport sexuel avec une autre personne dans le mariage, al-thayyibuz-zani. On sait que la punition pour ça dans la charia, c'est la mort. Wa-nafsu bin-nafs, c'est-à-dire une personne qui tue une autre personne, également elle doit être puni par la mort également. وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَعَةِ, et celui qui quitte sa religion et qui se sépare de la jama'a. Le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par celui qui abandonne sa religion et qui se sépare de la jama'a, c'est-à-dire le murtad, l'apostat. Et il mentionne dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Ibn Abbas radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque change sa religion, tuez-le. Donc ça c'est un autre hadith également. Et bien entendu, comme on a expliqué tout à l'heure, il y a des règles là-dessus, puis il y a des conditions. C'est pas tu trouves quelqu'un dans la rue, tu vois qu'il a mécru ou qu'il a quitté l'islam, tu le prends puis tu lui coupes la tête. A'udhu billah, ça c'est des gens qui comprennent ça, c'est des gens qui n'ont rien compris à l'islam. Ça c'est des choses qui s'appliquent aux dirigeants des musulmans, et cette personne qui a quitté l'islam, il doit être amené en cour devant le juge musulman dans une cour islamique, et là on lui demande de se repentir et de revenir à la foi, de revenir à l'islam. S'il a des choubouhats, s'il a des choses pas claires, on lui clarifie ces choses, on lui explique. Mais si la personne persiste, et là il sera jugé, et donc la peine sera qu'il sera exécuté par les autorités du pays, et non pas par n'importe quel individu dans la rue ou par une jama'a, un groupe quelconque de musulmans qui s'est déclaré lui-même avoir une autorité alors qu'ils n'ont aucune autorité légale. Donc ça c'est, il faut faire la distinction entre les gens de batil et les gens de la vérité. Comme il y a des groupes en Algérie ou bien dans d'autres pays, dans les pays musulmans, qui se font des petits groupes, des jama'ats, et qui se déclarent comme étant les responsables de la Oumma, et qui commencent à vouloir essayer d'appliquer les règles de la charia par eux-mêmes dans les rues, et ça amène beaucoup de fitna et du désordre, et après ils émettent des menaces de mort à des gens qui ont quitté l'islam ou qui ont prononcé des paroles ou des actes de kufr, et ils pensent qu'ils vont pouvoir appliquer les punitions à l'apostat de cette façon, alors que c'est pas ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, mais de ramener ces choses-là aux dirigeants. Et si les règles de l'islam en ce sujet-là sont pas appliquées dans un pays, c'est pas obligatoire, mais tant qu'on peut pas le faire, on le fait pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pour que ce soit possible de le faire, il y a beaucoup d'étapes à franchir dans la da'wah et dans l'explication et dans l'enseignement des gens pour qu'ils comprennent la réalité de l'islam. Hein? Et comme le cheikh il explique souvent, yani, il explique que la religion c'est une chose sérieuse. Et c'est pas une chose qu'on suit, yani, dans le but de. C'est pas un jeu, yani, la religion. On rentre pas dans la religion, puis on en sort comme on rentre et on sort de. Yani, d'un magasin ou d'une. Yani, comme on dit ici au Québec, je sais pas si vous dites ça aussi. En France, on dit on change pas de religion comme on change de chemise. Yani, il y en a des gens comme ça. Yani, ils rentrent une religion un jour, le lendemain ils sortent. Yani, ça c'est des règles que l'islam a établies pour que les gens prennent la religion comme une chose sérieuse et qu'ils sachent que c'est une question de vie ou de mort. C'est pas quelque chose qu'on joue avec. Donc quand tu choisis ta religion et que tu la suis, tu dois être convaincu, tu dois être certain de ton choix, tu dois apprendre comme il faut avant de prendre une décision. Et puis là, lorsque tu es convaincu et que tu sais que qu'est-ce que tu suis, c'est la vérité, et bien tu rentres et tu y vas à fond, yani. Hein? Donc et donc c'est pour ça, yani. Et si quelqu'un change de religion, il est convaincu que c'est une question qui est capitale et fondamentale. Donc alhamdulillah, yani. Il y en a des gens qui disent, bon, mais pourquoi les chrétiens, eux, ils font pas ça quand quelqu'un quitte le christianisme? Ça, aujourd'hui, ils font pas ça. Mais si vous reculez dans l'histoire, il y a eu des grandes guerres en Europe entre les chrétiens eux-mêmes, parce qu'il y en a certains qui devenaient protestants et qui étaient catholiques. Donc, entre les catholiques et les protestants, on parle pas de deux religions différentes. Eh bien, entre les catholiques et les protestants, il y a des guerres qui ont duré des centaines d'années, juste à cause de ça. Hein, se tuaient les uns les autres à cause de ces questions-là. Et si vous regardez même encore aujourd'hui en Irlande du Nord, ça continue. Donc c'est pour dire que la religion aujourd'hui, ça compte plus pour la plupart de ces gens-là parce que justement ils y croient plus. La majorité de la population des pays occidentaux ont, disons, apostasié leur religion et donc l'Église n'a plus vraiment d'autorité parce qu'ils y croient plus. Mais si les gens y croyaient ou recommençaient à y croire et que l'Église commençait à avoir une autorité encore, eh ben vous pourriez constater que leur position vis-à-vis de la religion n'est pas du tout la même qu'ils essaient de montrer aujourd'hui. Yani. Après le cheikh il parle de Ar-Ridda. Mais là je ne sais pas si on aura assez de temps pour rentrer là-dedans. Je croyais qu'on aurait pu finir. Il reste pas beaucoup. Mais je veux pas non plus dépasser le temps et aller. Ok, on va essayer de... Non, c'est pratiquement impossible. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici, subhanallah. Parce que on a pas le temps de lire les trois pages qui restent. C'est pas trois pages, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 pages environ, donc on va s'arrêter ici, hein, puis on continuera samedi prochain, samedi et dimanche. Et le sujet c'est Ar-Ridda. Le sujet qui va suivre c'est Ar-Ridda, c'est yani, le fait de quitter l'islam après avoir cru en l'islam. Et il va expliquer les règles qui ont rapport avec ça et tout ce qui se rapporte à ce sujet-là. Bien entendu, c'est un sujet qui est un peu dur, hein, et c'est un sujet qui est un petit peu... pour certains là, c'est assez rude comme sujet, surtout dans l'époque actuelle, surtout pour des musulmans comme nous qui vivons au Canada ou bien en Europe. Yani, dans les pays musulmans où il y a tellement de fitna, c'est des sujets que des gens souvent aiment pas entendre, mais c'est des choses qu'on doit apprendre et qu'on doit connaître. Justement pour être capable de d'avoir une bonne vision, une position claire, parce que c'est pas parce que il y a de l'ignorance répandue partout dans les mondes musulmans que on doit cesser de parler de ces questions-là. Au contraire, c'est en les expliquant et en les clarifiant que inshallah les gens vont éviter justement de tomber dans toutes sortes de formes de kufr et de shirk différentes, yani. Et une des raisons pourquoi les musulmans sont dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a eu une négligence et qu'il y a eu un manquement dans l'explication de ces différentes formes de mécréance et de shirk qui sont présentes actuellement dans le monde musulman. Et ça a amené à la situation actuelle. Donc si on veut régler puis corriger ces problèmes-là, ben une des meilleures façons de le faire, c'est de justement d'adresser ces questions-là et ces problèmes-là et de les clarifier. Parce que moi, je rencontre des musulmans parfois, et quand je leur explique certaines règles de l'islam, je remarque des réactions très étranges et très bizarres. Comme de dire, par exemple, je rencontrais un musulman qui vient de, par exemple, de l'Algérie. Et puis, donc, je disais que j'aimerais bien aller vivre en Algérie. Et là, la personne me répond et dit, non, moi je retournerai jamais. Alors j'ai dit, subhanallah. J'ai dit, moi j'ai des amis qui ont quitté le Canada, qui sont retournés vivre dans leur pays définitivement. Ils ont fait le hijra. Et là la personne me dit, mais le hijra, c'est quoi le hijra comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je dis, oui, le hijra, c'est-à-dire tu quittes un pays où il y a le kufr et tu t'en vas vivre dans un pays musulman. Et bien là, la personne me dit, ah non, non, mais ici c'est des gens du livre. Ouais, mais les gens du livre, c'est des koufars. Et là, la personne dit, non, non, non, non, moi, j'adhère pas à cette idée-là. Ça, c'est de l'extrémisme. Il faut pas dire que ce sont des koufars. Ils croient en Allah, des choses comme ça. Donc, on voit que il y a une ignorance, énorme de la part de beaucoup de musulmans, parce qu'on leur a pas justement expliqué ou appris les fondements de notre religion. Et donc, ils ne savent plus comment juger. Donc on va s'arrêter ici, alhamdoulilah, et puis on recommence samedi prochain, même heure, 13h, inshallah. Je sais qu'il y a d'autres salles où il y a d'autres frères qui donnent des durous en même temps. Mais alhamdoulilah, vous avez le choix. On coopère, inshallah, dans le haqq. Les autres frères, ils font le dars. De toute façon, le cours qu'on donne ici, il est enregistré, puis... on le met en ligne après, Inch'Allah, ceux qui préféreront assister à l'explication. Je pense que c'est le Cheikh Abdul Malik Ramadani qui est traduit dans l'autre salle du frère. Donc, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent aller là-bas, ils peuvent assister. Ou bien ceux qui veulent préférer écouter notre explication du livre du Cheikh Al-Fawzan. Donc, Alhamdulillah aussi, ça c'est bien. Mais Alhamdulillah, fi kullul khair, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum wa jazakum wa khairan. On va s'arrêter ici, inshallah. Non, c'est à 15h, pardon, je me suis trompé. La semaine prochaine, à 15h, ici c'est 9h à Montréal. D'accord, samedi et dimanche, bi'idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdik. Attendez un instant. Non, subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.